Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclat de lumière, comme tous les deuxièmes jeudis du mois à 17h sur Fadjet Radio 94.2. Je suis accompagné aujourd'hui de Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Je suis accompagné également d'Aline. Bonjour, bonjour. Et de Mouloud. Bonjour à toutes et à tous, mais toutes, il y en a qu'une, tu sais. Qui viennent vous partager aujourd'hui tous ensemble, on vient vous partager nos recommandations culturelles et vous accompagner pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Au programme de cette émission de décembre, les fêtes de fin d'année approchent et toute l'équipe du magazine Lumière en Art se mobilise afin de vous proposer une sélection de recommandations culturelles à aller voir en ce mois de fête ou même des livres, des places de spectacle et des disques que vous pourrez bien évidemment déposer au pied du sapin de Noël et offrir à vos proches. Avant toute chose, je vous rappelle que le magazine Lumière en Art est disponible sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, mais aussi sur Instagram, sur la page Lumière en Art. Aujourd'hui, un invité exceptionnel dans notre émission viendra nous parler de son parcours. C'est un passionné de géographie qui est auteur notamment d'un ouvrage qui s'intitule « La vie à Nancy, les années bonheur ». Il est également fondateur de la Photothèque numérique régionale et cofondateur de la Biennale internationale de l'image de Nancy qui a pris fin en 2019. Pour tous ses accomplissements, il a été chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016. Nous accueillerons un petit peu plus tard dans cette émission donc Jean-Pierre Puton. Au programme de cette émission, donc dans un premier temps, un agenda littéraire et culturel pour cette fin d'année. Mais je crois, Gilles, que vous vouliez nous parler, ou peut-être Aline, d'une exposition qui se tiendra en novembre, l'exposition Nambrini. Alors il s'agit d'une exposition de photos, de photographie de Laurent Nambrini, qui a été inaugurée le 8 novembre, mais qui est exposée jusqu'au mois de décembre. Elle s'appelle Portrait de scène. Il s'agit de photographies de l'art de la rue, où on y découvre des portraits d'artistes de rue, des jongleurs, des acteurs, des chanteurs, des clowns, de toute nature. Et vraiment, ces photos sont lumineuses. Les artistes sont vraiment concentrés. Il y a des couleurs, des expressions qui sont vraiment fascinantes. Donc, je vous invite à vous déplacer à la bibliothèque médiathèque Gérard Thirion de l'Axou, qui se situe au 17 rue de Maréville. Surtout, n'hésitez pas. Magnifique exposition. Voilà, donc c'était la petite recommandation donc pour le début de cette émission. Et on va commencer donc tout de suite avec un premier agenda. Donc c'est l'agenda littéraire et quelques suggestions de l'équipe de Lumière en Art pour cette fin d'année. Et j'aimerais pour commencer parler d'un prix littéraire, ou plutôt laisser Mouloud s'exprimer à propos de ce prix. Il s'agit donc du prix Goncourt de cette année 2024, à savoir Ouris, écrit par Kamel Daoud. Mouloud. Kamel Daoud, a bien mérité son prix. Hein. Je suis l'un des rares, peut-être, d'origine de son pays à le dire, parce que beaucoup le critiquent, le fustigent du fait qu'il écrive déjà en français. Et c'est une langue un peu honnie à l'heure actuelle en Algérie. Et que cette période, la période, effectivement, la décennie noire, comme on l'appelle, intégriste, où il y avait le GIA, il y a eu le fils d'abord aux élections qui a raflé la majorité à l'Assemblée et au niveau municipal surtout, et qui ont été interdits, le fils a été interdit, il y a eu comme un sursaut, je dirais, de raison au niveau du pouvoir algérien, et ils ont arrêté les élections. Et c'est ce qui a aussi développé le GIA. Je ne vais pas trop parler du GIA parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je vais parler de la période, pourquoi Kamel Daoud, effectivement, est décrit en ce moment en Algérie. Par le pouvoir et par certains dits intellectuels. C'est tout simplement parce que cette période-là, il a été interdit, effectivement, par le pouvoir de parler des événements des années 90, c'est-à-dire les massacres qu'il y a eu de part et d'autre. aussi bien, je pense, de l'armée qui n'est pas allée de main morte. Et de l'autre côté, bien sûr, il y avait aussi des enténébrés qui étaient relativement violents. Donc il fallait arrêter tout ce massacre. C'est une guerre civile, hein. Voilà. Et Kamal Daoud, par contre, lui, il a transgressé cette interdiction. Il a fait son livre. Maintenant, est-ce que il a exploité quelque chose d'illégitime, c'est-à-dire la souffrance des gens qui ont vécu dans leur chair cette période-là, je ne sais pas. C'est un très beau livre. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Kamal Daoud lorsqu'il est venu au Livre sur la Place en septembre. On a parlé un petit peu de cette sélection au prix Goncourt et lui, personnellement, d'ailleurs, n'osait pas trop y croire. Il me disait « Non, mais je ne veux pas parler de ça, d'un éventuel prix. » Et le fait est que quelques mois plus tard, donc il l'a eu. Autre recommandation littéraire pour cette fin d'année, c'est une recommandation d'ailleurs d'un auteur qui était présent au Livre sur la Place, auquel il a donné donc un certain nombre de conférences, voire même un concert à l'opéra. Il s'agit de Gaël Faye pour son ouvrage Jacaranda, qui a récemment été lui aussi, qui a obtenu un prix, à savoir donc le prix Renaudot. Alors Gaël Faye, c'est un auteur qui a connu un succès absolument retentissant il y a quelques années avec un ouvrage qui s'appelle Petit Pays, qui est un ouvrage qui dorénavant est étudié d'ailleurs dans les écoles et dans les collèges, qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Je crois que c'était en 2016, mais c'est à vérifier, c'était la même année que Leïla Slimani. Il a été adapté en film, cet ouvrage, par Éric Barbier. C'est un film qui est sorti en 2020, la même année d'ailleurs que son deuxième album musical, qui s'appelle Lundi Méchant, puisque Gaël Faye est également un slammer, un rappeur et un compositeur, un grand musicien. Et cette année, il nous revient, Gaël Faye, avec un roman absolument bouleversant, qui cette fois-ci ne se situe pas au Burundi, qui est la terre qu'il a vu naître, mais qui évoque directement le génocide au Rwanda. Sujet qu'il a d'ailleurs donc effleuré lorsqu'il parle du Burundi, puisque ce sont deux pays frontaliers et que les conséquences géopolitiques entre les deux pays en 1994 ont été absolument désastreuses. Il y évoque donc dans cet ouvrage qui s'intitule Jacaranda, du nom d'une plante, il y évoque la reconstruction de ce pays sur quatre générations, puisque le Rwanda, après les événements de 1994, a dû se reconstruire. Aujourd'hui, quand il l'évoque, il évoque notamment le fait que des années après, finalement, les générations actuelles commencent à être des générations qui n'ont pas connu ce génocide, et donc il évoque l'après. Après le silence, après les massacres, comment survivre et comment vivre à nouveau. C'est un ouvrage qui a obtenu donc le prix Renaudot 2024 et qui est un des très grands succès littéraires de cette année 2024. Gaël Faye, quand il l'évoque avec beaucoup d'émotion. Comme je le disais, il a donné un grand entretien en septembre lors du Livre sur la Place à l'Opéra National de Lorraine à Nancy. Et voilà, on sent à travers ses mots, à travers ses personnages, on sent que ce sont des éléments qui le hantent depuis des années. Et c'est un ouvrage absolument magnifique. Alors c'est peut-être un peu trop générique, mais pour moi, il est très important à lire, surtout en 2024. Très instructif aussi, parce que ça revient sur des événements historiques qui sont finalement assez peu connus, entre guillemets, du grand public. Et c'est surtout un roman donc qui est vraiment rempli d'émotions et qui personnellement m'a énormément ému. On va continuer donc parmi ces recommandations avec un livre qui va sortir ce 12 décembre prochain. C'est un livre qui est donc publié chez Gallimard. Cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est une réédition. La réédition donc du portrait de Dorian Gray, qui est un classique de la littérature anglaise et de la littérature en général. Donc qui a été publié par Oscar Wilde, le célèbre dandy anglais dont peut-être certains auditeurs ont entendu parler ou peut-être même l'ont vu à l'école, qui, après cette publication en 1890, a d'ailleurs été emprisonné puisqu'il y aborde ouvertement des sujets comme l'homosexualité. Cette nouvelle édition, c'est un livre absolument magnifique puisqu'il est illustré par Benjamin Lacombe, Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur célèbre qui a illustré de grands classiques de la littérature, notamment je pense au Conte macabre d'Edgar Allan Poe, qui sont qui est un très très bel ouvrage, pardon, et qui illustre encore une fois avec ses grandes illustrations très poétiques et ses personnages un petit peu brumeux. Il illustre vraiment avec majesté ce portrait de Dorian Gray qui, lorsqu'on voit la couverture, lorsqu'on voit un petit peu certaines illustrations qui ont fuité dans la presse, on a vraiment très envie de l'acheter. Je pense que c'est un cadeau à mettre sous le sapin d'un point de vue général qui est un très beau cadeau. Enfin, j'ai une petite recommandation personnelle. L'année dernière, en 2023, est sorti un ouvrage qui s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière » de Panayotis Pasco, qui est un humoriste français d'origine grecque que vous avez peut-être déjà vu puisqu'il il a été chroniqueur pendant longtemps sur l'émission Quotidien, qui d'ailleurs il est en ce moment à l'affiche d'une série qui s'appelle Loup-garou, qui est diffusée sur Canal+. Cet humoriste a sorti donc un ouvrage qui s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière » qui revenait sur sa vie, sur son homosexualité et sur la dépression. C'est un ouvrage extrêmement fort. Personnellement, je crois que ce sont les plus belles pages que je n'ai jamais lues sur des thématiques comme la dépression, qui nous permettent aussi de comprendre ce qu'est la dépression, ce que c'est cette maladie, comment on s'en sort. Mais également des pages, il faut bien le dire, très intenses sur le suicide. Cet ouvrage, qui est sorti donc l'année dernière aux éditions Stock, il a été publié. Il a été réédité cette année en 2024 parce qu'il va être adapté au théâtre. Et c'est un ouvrage, là encore, publié chez Stock, qui est adapté donc par Paul Pasco avec des dessins de Vassili Schneider. Et c'est un ouvrage vraiment, vraiment magnifique. Là encore, je ne peux que vous recommander la lecture de ce texte pour vous plonger dans cet univers, pour comprendre un petit peu ces thématiques et aussi peut-être, à la suite de cette lecture, donc de cette adaptation théâtrale, lire « La prochaine fois que tu mordras la poussière » par Panayotis Pasco. Enfin, pour finir cet agenda littéraire et avant de vous laisser un petit peu avec un petit peu de musique, j'aimerais vous parler du lauréat 2024 du Goncourt Lorrain, qui est donc le prix Erckmann Chatrian. Cette année, c'est un auteur qui s'appelle Étienne Kern qui a été couronné, puisqu'il y dresse dans son ouvrage qui s'appelle « La vie meilleure » le portrait d'Émile Coué. Émile Coué, c'est un pharmacien nancéen qu'on a souvent comparé à Gandhi, Einstein ou encore Lénine, qui a été moqué, adulé pour ses expériences, pour ses idées aussi, parce que tout simplement, il pensait avoir trouvé les clés de la santé et du bonheur. C'est un ouvrage qui était présent d'ailleurs dans la première sélection du Goncourt, dont on a parlé juste avant. À noter que le premier roman d'Étienne Kern, qui est sorti en 2022, a obtenu également le prix Goncourt du premier roman, et qui racontait les coulisses de l'histoire de Franz Reichelt, qui était un tailleur pour dames, qui un jour a fait le pari fou en 1912 de sauter de la tour Eiffel avec des ailes. Et cette vidéo est assez célèbre puisqu'il en est décédé. C'était le premier ouvrage d'Étienne Kern et c'est un ouvrage qui, lorsque je l'avais lu en 2022, m'avait profondément marqué. Parce que tout simplement, Étienne Kern mêlait cette histoire d'un point de vue un petit peu historique. On voyait un petit peu le Paris de la belle époque, du début du XXe siècle. Cet ouvrage traiter aussi un petit peu de sa famille, mélanger un petit peu l'intime et l'historique. Donc cette année, La vie meilleure, lauréat 2024 du Goncourt Lorrain, donc du prix Erckmann Chatrian, c'est à retrouver aux éditions Gallimard et je pense que ça ferait un excellent cadeau. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique, on va se retrouver dans un instant, c'est l'impératrice Mas de Igual, à tout de suite sur Fadjet Radio. Ser linda, me da igual ser linda. Je ne veux pas si c'est pour te plaire. Me da igual ser linda, me da igual ser linda. J'ai choisi pour moi, c'est par les failles que passe la lumière. Me da igual ser linda, me da igual ser linda. Car la beauté est sur mon papier. Me da De retour sur Fadjet, donc l'émission Éclat de lumière. Je vais à présent, après cet agenda littéraire bien fourni, laisser la parole à Gilles qui a quelques informations concernant le magazine et concernant les actualités culturelles. Quelques brèves, donc des news, effectivement. Ça sera des semaines qui vont être très festives dans la période qui arrive, puisqu'on a l'approche de Saint-Nicolas, et les festivités annoncées vont se dérouler jusque début janvier. Alors nous, de notre côté, on va avoir un petit coup de cœur gourmand avec les pizzas de chez nous, où ce soir-là, on découvrira quelques personnalités mises à l'honneur. Pour l'instant, on ne dévoile pas tout. Et puis, avec un temps fort, avec le nouveau partenaire, le 6 à Nancy, œnologue, où le 2 décembre, effectivement, là, on va retrouver des créateurs, des photographes, des artistes. La petite note gourmande, la remise du Joker d'or, c'est un peu l'événement de l'année qui va ponctuer ce mois de décembre. Et puis, c'est l'occasion de remercier nos partenaires. Alors, il y a un agenda très, très riche au niveau des livres. Vous en avez découvert un certain nombre tout à l'heure. Le Hall du Livre à Nancy, avec sa dynamique pour les fêtes, plein d'idées cadeaux. Et puis, pour Saint-Nicolas, bah, effectivement, vous retrouverez tous nos amis gourmands et gourmets autour de la Maison des Sœurs Macaron. On a eu l'occasion d'aller découvrir un peu leurs secrets de fabrication, du calendrier de l'Avent jusqu'au macaron. Et on vous invite à aller déguster pour ceux qui n'ont pas trop d'idées encore pour les fêtes. Et puis de vivre pleinement toutes ces semaines qui arrivent, où vous aurez mapping vidéo, défilé traditionnel de Saint-Nicolas, mais cette année avec un côté un peu futuriste, avec plein de nouveautés, ça va être très très intéressant, du théâtre de rue, compagnie de théâtre, sur toutes les places de Nancy et partout. Voilà, donc on espère vous retrouver très très nombreux. Vous pouvez suivre l'agenda au jour le jour de tous ces événements. Victor vous le redira tout à l'heure sur les différents réseaux sociaux, notamment les Facebook Lumière en Art, le magazine qui va se parer de toutes ces lumières pour vous éclairer au fur et à mesure de tout ce qui se passe en événement sur Nancy et au-delà. Et puis, effectivement, une petite nouveauté, c'est qu'on s'est aperçu après avoir démarré timidement TikTok que ça fonctionne plutôt bien. On l'a vu pour la foire d'automne ou d'autres événements. Donc Victor vous dira tout à l'heure, chers amis auditeurs et membres du club, comment rejoindre nos événements. Sur TikTok notamment. À présent donc, le temps fort de cette émission. J'ai l'honneur d'accueillir dans ce studio donc Jean-Pierre Puton. Jean-Pierre Puton qui est donc issu d'une famille de photographes, qui est lui-même passionné de photographie. Je vous l'ai dit donc tout à l'heure, auteur de l'ouvrage La vie à Nancy, les années bonheur, et fondateur d'un certain nombre d'institutions à Nancy, et excusez du peu, chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2016. Bonsoir Jean-Pierre Puton. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette émission. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, de votre parcours, s'il vous plaît. Le parcours a été très très simple pour moi. J'étais fondateur d'une photothèque régionale en Lorraine. Et donc, c'est parti de là. Mon parcours, il est resté fixé par cette création que j'ai fait vivre jusqu'en 2017. Date de ma retraite. Alors Jean-Pierre Puton, c'est un passionné de photos. Il est tombé dedans quand il était petit, famille de photographes fameux à l'international. Est-ce que cette influence familiale a joué évidemment dans votre parcours, dans vos choix, dans votre sensibilité, dans votre goût à la photographie? Bien évidemment. C'est un peu comme Obélix qui était tombé dans la marmite. Mon arrière-grand-père était photographe. Il avait repris une maison très célèbre à Nancy, qui était la maison Belliani, qui est devenue Bellini-Ritter. Après, mon grand-père Jean Cherbec, qui était portraitiste, photographe, assez renommé au niveau local, et même au-delà. Et mon père, qui lui s'occupait plus de la partie photographie amateur, qui avait un magasin qui s'appelait Le Nid de la Photo, au sud de la gare. Voilà, très bien. Alors, pour les Nancéens qui connaissent bien la ville, effectivement, la Biennale internationale de l'image était et est encore une institution, une référence. Elle est plus C'est une référence. Il n'y a plus d'exposition, mais il y a 2019, encore... Ouais, j'ai encore eu Roland Laboye au téléphone aujourd'hui, donc les photographes continuent de m'appeler fréquemment. Mais la Biennale a fermé ses portes officiellement en 2018, d'un avis unanime d'ailleurs, tous les administrateurs étaient tous derrière moi pour dire stop, on arrête. Magnifique souvenir créatif, artistique, culturel, très haut niveau, un événement... Qui a duré 40 ans et 40 ans de succès, il faut l'avouer. Avec des photos mythiques qui ont été exposées dans ces événements-là. On a eu les plus grandes pointures qui se sont déplacées plusieurs fois, comme Willy Ronis, Lucien Clergue. Ils sont venus et revenus parce que satisfaits de la manifestation. Absolument. C'est pour ça que je dis était, mais est encore une référence. Parce que pour ceux qui ont vu ces photos-là ou qui ont acquis les albums de ces expositions-là, regarde tout ça avec émerveillement. Chaque manifestation était accompagnée d'un catalogue très détaillé avec des textes traduits en anglais. Et effectivement, dans tous les centres culturels qui touchent à la photographie, on retrouve à chaque fois la série complète. Alors, est-ce qu'il y a un lien évident ou pas avec ce troisième ouvrage que vous publiez avec votre ami Jérôme Estrada de Tourniel sur Nancy Vintage 1960-1990, qui est aussi un album de photographie. Un petit clin d'œil, bien sûr, parce qu'il y a des photos de mon grand-père et de mon père à l'intérieur du livre. Ce livre est particulier parce qu'il a un fil rouge qui est le design par les années. Donc on y retrouve des objets cultes comme le premier Nokia, le Minitel, la R5, etc. Et à chaque fois, ça ponctue et ça donne la période dans laquelle on se trouve dans cette ville qui n'était pas forcément totalement massacrée, qui a été aussi... La place Stanislas, sans voiture, c'est mieux. Il y a eu des progrès dans certains domaines. Absolument. Alors, Il y a des photos qui, pour certains de nos auditeurs, seront des photos d'un autre siècle. Ce sont d'ailleurs des photos d'un autre siècle. Mais effectivement, il y a des objets qui sont désuets ou qui sont aujourd'hui, qui semblent désuets. Mais finalement, quand on regarde ces photos, la ville se reconstruit sur elle-même. Mais la ville garde son âme tout de même ou pas. Est-ce que la photo traduit cette âme ou pas? À la page où vous êtes là, c'est la place Thiers qui est devenue la place Simone Veil. Avant, il y avait des arbres, des gros arbres, des vrais arbres. Et il y avait une brasserie, il y avait... Voilà, donc il y a des endroits qui ont vraiment été massacrés quand même, mais d'autres endroits qui ont été maintenus, qui ont été remis en état, qui ont été ravalés. Voilà, il n'y a pas... On ne peut pas dire que c'était mieux avant. C'était voilà. Autre chose, c'était voilà, différent. On va dire ça comme ça. Est-ce que... Là au livre sur la place, j'en ai signé 170 à peu près, beaucoup de jeunes. Il y a énormément de jeunes qui ont une espèce de nostalgie des années 70 et qui ont acheté le livre pour savoir comment est-ce qu'on a connu leurs parents. Donc, ça n'intéresse pas forcément les anciens, ça intéresse aussi les jeunes. Et ça, c'est plutôt réconfortant et encourageant. Je me posais aussi la question, à l'heure où on prend tous des photos avec nos téléphones portables, où on ne fait plus forcément d'albums, est-ce que, justement, ce type d'ouvrage ne nous donne pas envie, à un moment, de sortir nos photos de nos portables et puis de les immortaliser, de les imprimer, de les mettre dans un livre? C'est important, je pense, quand même, de pouvoir feuilleter. C'est amusant ce que vous me dites, parce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vidé mon téléphone, j'ai récupéré toutes les photographies sur le disque dur. Je m'étais aperçu que je n'avais pas fait depuis 3 ans. Alors, ça faisait, je crois, il y avait 7000 clichés à peu près. Et donc, certains maintenant, je vais faire le tri. Voilà. Non, c'était le gros problème lorsqu'on a créé la photothèque régionale à l'époque. C'est effectivement, on avait des documents papier ou des négatifs. Donc ça, c'est pérenne dans le temps. Tout ce qu'on fait maintenant, oui, il y a des millions de clichés qui se font par jour. Mais qu'est-ce qui restera dans 10 ans? À mon avis, pas grand-chose. Et en plus, les gens ne savent pas stocker les images. Ils mettent ça sur un disque dur. Le jour où le disque dur ça claque comme une ampoule. Hein. Un jour, on ne comprend pas pourquoi, ça ne fonctionne plus. Ben, ils le mettent à la poubelle et ils ont tout perdu. Et puis finalement, les images qu'on publie... Moi, pour avoir fait la même chose avec les portables de mes enfants, qui poussaient des hauts cris parce que je leur ai fait des albums qu'on achète... Oui, mais c'est pérenne. Absolument, et parfois avec des clichés qu'on poste pas forcément sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est les clichés qui sont pas si réussis que ça, mais qu'on aime garder, et quand on les revoit quelques années après, on se dit « Ah, quand même, celle-ci, elle était bien ». Si sur le coup, elle ne nous plaît pas, quelques années après, elle nous plaît. Alors comment on fait le choix de ces photos que l'on garde et que l'on garde pas? Est-ce que c'est la sensibilité d'un artiste? Est-ce que c'est la sensibilité d'un homme ou d'une femme? Qu'est-ce qui fait qu'on garde cette photo, on ne garde pas cette photo? C'est complètement personnel quand il s'agit de photos familiales. Voilà. Par contre, là, dans ce livre, il y a incontestablement des photographies qui étaient des photographies d'ordre technique, faites par des techniciens par rapport à un ravalement de façade, etc. Donc, à l'époque, il y avait strictement aucune valeur à aucun point de vue, et qui maintenant, on est ravis de les retrouver dans ces archives, telles l'agence d'urbanisme et autres, de retrouver ce genre de clichés. Pour nous, c'est absolument précieux, parce que c'est un témoignage. À une date précise, on retrouve comment était la ville. Absolument, et puis je pense que dans alors là, ce sont des photos, donc je disais, hein, des années 60 jusqu'aux années 90, mais finalement, c'est la trace, peut-être, l'histoire gardera finalement du quotidien d'une ville. C'est ce type d'ouvrage qui immortalise, en fait, oui, cette période-là. Oui, puis ça rappelle, j'ai placé quelques personnages comme Roger Véry-Babel, Roland Grunberg, des gens qui ont marqué, Alex Taylor qui a créé Continental ici à Nancy, hein, il faut le savoir. Tout ça, c'est des événements, si on ne le met pas dans un livre, on ne pérennise pas, on va oublier. L'ouvrage, il restera dans les bibliothèques. dans 40 ans, 50 ans, 70 ans, on le retrouvera encore. Absolument, je suis complètement d'accord. Donc c'est aussi une très très belle idée. Erignac, vraiment, on voit le brave Erignac. Un souffle culturel qui va se pérenniser grâce à cette présentation de photos. Parce que finalement, l'âme un peu de ces décennies-là, c'était important qu'elle soit présentée. Bien sûr, non mais... là, par exemple, on est sur une photo d'un groupe, c'était le conseil général à l'époque, qui ne s'appelait pas départemental. Là, il y en a deux qui sont partis ces derniers temps. On voit Claude Hurier qui n'est plus là, enfin bref. Sur cette photo, il reste à peu près, allez, un cinquième de survivants. Mmh. Et si on ne les met pas là, c'est des gens qu'on va oublier. Absolument. Malgré le rôle important qu'ils ont joué. Absolument, absolument. C'est immortaliser ces personnes et les actions qu'ils ont menées. Alors, il y a aussi des choses plus légères dans ce film. Dans ce livre. Je dis ce film parce que là, je vois des affiches. Alors, c'est de la musique de ces époques, de ces quelques décennies qui sont couvertes par ce livre. Il y a des affiches publicitaires. Il y a aussi beaucoup de choses un petit peu légères, des manifestations. Ça, c'est la grande parade du jazz. C'est 1973. C'est la création du NJP à Nancy. Voilà. Ouais, alors moi je me rappelle là, je vois par exemple, il y a ce qu'on appelle un manche-disque. Voilà, ouais. Il y a des manches-disques. Voilà, à l'époque, j'en avais un dans ma case vieille 403. Il est pas mal, il est tout rose, orange, voilà, ils étaient de ces couleurs-là. C'est la période des années 60, voilà, 67, 66, 67, 68, quoi. Voilà, c'est ce que vous disiez, Jean-Pierre Puton, finalement. C'est les le jeunes... fil rouge du livre, c'est la référence à ces objets, aux émissions de télé de l'époque, parce qu'effectivement, Nancy, on s'était, au niveau national, on était très très fiers, parce qu'on avait gagné, je ne sais plus comment ça s'appelait, Interville, je crois, ou Jeux sans frontières, enfin, c'était avec Guy Lux... Très bien. Et finalement, les jeunes qui sont friands de ces objets vintage, voilà, il y a des photographies de rue avec des voitures de l'époque, avec des personnes, le kidam qui passe dans la rue avec une certaine manière d'être habillé, avec les objets dont parlait Mouloud à l'instant. Voilà. On a refait une double page aussi avec les francs au moment où, pour montrer le passage. Et comme ça situe bien dans le livre la période où on est à Nancy. Voilà, très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Puton. Ben, alors, merci on rappelle. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Nancy Vintage, 1960, 1970, 1980, 1990. Un ouvrage de Jean-Pierre Puton, en collaboration, en tout cas, avec. Oui, c'est une partition à quatre mains avec Jérôme Estrada de Tourniel. Et en vente partout, dans tous les kiosques. Un beau, belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pas très cher, 25 euros. Absolument. Et moi, je conseille toujours un endroit, la librairie Didier, la plus vieille librairie de Nancy, parce que j'aime bien défendre les petits. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Aline. On va se laisser un petit instant. On parlait à l'instant du Nancy Jazz Pulsation. Ils sont passés cette année sur la scène de la pépinière. C'est les Stranglers, Golden Brown. À tout de suite sur Fadjet Radio. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. De retour sur Radio Fadjet, l'émission donc Éclat de lumière. Avant de passer à l'agenda et aux actualités suivantes, peut-être une petite brève d'info, Gilles. Oui, très rapidement, on voulait dire à nos auditeurs un peu les belles festivités qui se préparent, initiées par le magazine Lumière et toute son équipe, avec une mise en à l'honneur de personnalités, d'artistes et de créatifs passionnants et dans les différentes facettes de la culture. Alors, vous aurez l'occasion de les retrouver dans les prochaines émissions pour des portraits, des focus, des interviews. Le monde de la photo et de l'écriture sera à l'honneur, avec une petite surprise autour de Patrick Charles Renaud pour Dôme, avec un magnifique ouvrage. Et puis, nous avions souhaité aussi, dans les coups de cœur, être en premier lieu autour du Théâtre de la Foucotte, avec une petite surprise. Et puis, effectivement, les notes gourmandes des festifs, puisqu'on a placé ce mois de décembre sous la thématique des papis de l'esprit, papis en fête. Et on vous fera découvrir un artisan boulanger. Enfin, vous verrez, il y a plein de petites surprises. Et puis, un œnologue. Nous, on souhaite vous faire partager tout ça. Puis c'est des idées de bonheur, des idées d'art de vivre, de partage pour cette fin d'année. Merci beaucoup. À présent, après avoir parlé un petit peu littérature, nous allons parler donc de la vie culturelle à Nancy, puisque le mois de décembre, mois de fête, est également un mois important d'un point de vue culturel, avec plusieurs événements qui vont se dérouler à Nancy en Grand Est. Tout d'abord, lorsque l'émission sera diffusée, il vous restera deux jours. Deux jours pour vous rendre à la manufacture pour voir L'Avare de Molière. L'Avare de Molière, c'est une pièce classique de la littérature et du théâtre français qui est, disons-le, totalement revisitée lors de ses représentations cette année au Théâtre de la Manufacture de Nancy. La mise en scène est signée Clément Poiré, qui explore, et c'est dit comme ça dans le résumé, qui explore la radinerie. Qu'est-ce que ça fait dans le monde actuel d'être radin ? Alors, pour explorer cette thématique, et rien de plus simple dans nos sociétés contemporaines, Clément Poiré a poussé la pièce jusqu'à son paroxysme. Concrètement, L'Avare de Molière à la Manufacture en décembre, c'est un spectacle participatif, puisque tout simplement, les comédiens déclament le texte et commencent nus, ou presque, sur la scène du théâtre de la Manufacture. Et c'est tout simplement le public qui va être chargé de leur apporter des vêtements. C'est donc un spectacle participatif où le quatrième mur est finalement complètement éclaté au cours de la représentation. C'est quelque chose qui est à ne pas louper, parce que la réflexion autour de l'argent, autour de la possession, et tout simplement du fait d'être, comme c'est encore dit dans le résumé, radin, c'est quelque chose qui est tout à fait important dans nos sociétés contemporaines. À noter également que l'ensemble des habits qui seront donc les costumes des comédiens seront totalement reversés et redonnés à des associations donc caritatives à l'issue de ces représentations. C'est donc l'Avare de Molière au Théâtre de la Manufacture à Nancy, mise en scène par Clément Poiré, que vous pourrez retrouver donc jusqu'au vendredi 14 décembre à la Manufacture à Nancy, en Grand Est. Dans cet agenda culturel, un autre événement de ce mois de décembre, c'est l'opéra de Rossini qui s'appelle la Cenerentola, excusez ma prononciation, qui se tiendra, dont les représentations se tiendront du 13 au 22 décembre à l'Opéra National de Lorraine. La Cenerentola, qu'est-ce que c'est? C'est un opéra qui fait pratiquement 3 heures, qui est une réécriture du Cendrillon de Charles Perrault. Alors on pourrait penser que c'est un conte. Eh bien, il n'en est rien. C'est très différent de la version proposée et popularisée par les studios Disney, puisque ici, pas de souris, pas de carrosse, plutôt des bracelets de cristal et surtout une musique à couper le souffle. Pour beaucoup des admirateurs de Rossini, c'est peut-être sa plus belle partition, et je crois aussi personnellement que c'est l'une de ses plus belles compositions. Rossini, à ce moment-là, quitte l'opéra bouffe, l'opéra un petit peu comique, pour aller vers un opéra seria beaucoup plus sérieux. Et en s'inspirant donc évidemment de la mise en scène des contes, ce qui est d'autant plus jouissif. La mise en scène cette fois-ci, elle est signée de Fabrice Murgia. Fabrice Murgia, pour ce nouveau spectacle, va tout simplement s'inspirer des films fantastiques. Par films fantastiques, j'entends bien évidemment le très populaire Tim Burton, dont le film Beetlejuice est sorti au cinéma récemment. Et je pense que plusieurs clins d'œil sont à attendre du côté des Noces funèbres de Frankenweenie ou encore de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est donc une représentation qui paraît tout à fait importante et essentielle à aller voir à l'opéra. En ce mois de décembre, je pense qu'on sera dans les thématiques à la fois de fêtes, de contes, de féeries, mais aussi peut-être un petit peu plus de fantastique. Ce n'est donc à ne pas louper. C'est du 13 au 22 décembre 2024 à l'Opéra National de Lorraine. Il reste encore des places, donc ne tardez absolument pas. Place maintenant un petit peu de musique. Ça a été popularisé très récemment par le film L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui est un succès étincelant au cinéma, qui passe déjà les 3 millions d'entrées. On vous laisse avec le morceau des Cure, A Forest. A tout de suite sur Fadjet Radio. eternal forest all alone. The goal is never there, it's always the same. I'm running towards nothing again and again and again and again and again and again and again and again and again and again and again and again. De retour sur Radio Fadjet, on entre dans la dernière partie de cette émission que l'on va introduire tout de suite avec un petit poème, Mouloud. Oui, alors c'est un poème, un peu sur la vie de l'immigration des années 60-70, à une époque où les immigrés ne se bousculaient pas aux frontières, où il y avait peu de clandestins, mais surtout on pourrait dire troubadour, ouvrier de chantier, poète. Il n'y a aucune différence entre ces trois appellations, parce qu'en général, ceux qui partaient de chez eux étaient souvent soit musiciens, soit poètes, en tout cas artistes quelque part, mais ils se retrouvaient effectivement dans les chantiers de bâtiments, d'industrie, dans les usines. Et là, je vais vous lire donc un poème d'une personne de ce style qui n'existe peut-être plus, que moi je n'ai pas vu depuis plus de 60 ans. J'exagère peut-être, enfin bref, je n'ai pas calculé. C'est « Je vois ce train qui dure ». Alors le train, c'est le train de la vie. Hein. Il y aurait des mots faciles à entrevoir malgré le maquillage. De même, il y a des peaux reflétant le miroir, des pays en bas âge. Il y aurait des mots lardant le fond du cœur dans chaque profession. Et puis, il y a des haines en cœur accrochées au haillon à travers le halo fade de l'immigration. Sur le trottoir glacé, je lis l'humiliation de mes yeux muselés. Et puis, il n'y a que des taudis couchés dans des mansardes cernées de solitude. De même, il y a des vies destins de servitude que l'usine poignarde sur le port assassin des dernières injures. Je vois ce train qui dure. Pourtant, je n'y peux rien. Et puis, il y aurait de l'espoir dans ces vagues valises, se surprenant à croire à une France exquise à travers le halo fade de l'immigration. Je vois ce train qui dure. En disant pour les miens, je suis simple artisan des mots, du rêve, pauvre de certitude. Sans théorie savante, je vis de graines brèves, de terre nonchalante, posées sur le moment comme par habitude. Je ne suis pas poète d'écriture bucolique, ne suis pas technicien maître des sentiments. Je vis l'heure mécanique des soleils couchants disposant sur les crêtes, celui qui ne dit rien. Je suis l'enfance facile des retours d'école. Je n'ai pas de leçons couchées dans les cheveux. Je vis dans les rigoles, aux sourires heureux, parmi l'instant fragile du monde à ma façon. Je ne suis pas causant le matin où je crève. Je ne suis pas la force au travers des radios. Je vis dans chaque trêve au cœur des coquelicots. parsemée dans les champs, sous la musique morse. Je ne suis pas plaisir dans les larmes des femmes. Je n'ai pas le cristal de verre qui s'ébrèche. Je vis le macadam des matinées trop fraîches avant le délire des cadences infernales. Je ne suis pas coupé pour la cause des mystiches. J'affirme que ma croche n'est qu'un sexe égaré. Je vis de ma jeunesse riche d'esprit, de ciel, de joie troublée, de l'index pointé d'amour quand tu approches. Merci beaucoup, Mouloud, pour ce poème. Voilà, c'est un troubadour, ouvrier de chantier des années 60. Un poème extrêmement poignant. Beaucoup de métaphores. C'était très beau. Voilà. Mais c'était très beau. Avant de vous quitter, chers auditeurs, je vais vous faire une toute petite recommandation parce que je pense que vous le savez, mais Lumière en Art, ce n'est pas que Nancy, ce n'est pas que le Grand Est, c'est aussi Paris. Nous avons une équipe parisienne extrêmement importante et des recommandations qui nous viennent tout droit donc de la capitale. Et parmi elles, une exposition qui est peut-être l'exposition événement de cette fin d'année, c'est l'exposition Surréalisme qui se déroule en ce moment même au Pompidou, au musée Pompidou Paris, et ce jusqu'au 13 janvier 2025. C'est une exposition qui a lieu à l'occasion donc des 100 ans du manifeste du surréalisme qui a été publié en 1924 par André Breton. C'est une exposition qui, respectant les codes et les traditions de ce mouvement littéraire et philosophique, se déroule comme un labyrinthe au cœur du dernier étage du Centre Pompidou. C'est une exposition absolument magnifique. Énormément d'œuvres, d'extraits de journaux, d'extraits également de petits textes ont été réunis pour que l'on comprenne le mouvement surréaliste, comment il s'inscrit dans son époque, comment il s'inscrit dans son temps. Parmi les peintres exposés, on peut citer notamment Salvador Dali, dont on retrouve un certain nombre de tableaux. Tout de même, personnellement, je n'en avais jamais vu autant dans un même endroit. On retrouve également un certain nombre de tableaux donc de René Magritte, dont Empire of Light, qui est peut-être l'une des plus belles œuvres du mouvement surréaliste. Évidemment, vous aurez également la possibilité d'apercevoir le manifeste du surréalisme d'André Breton. Exposition qui laisse place également aux nouvelles technologies, puisque l'introduction est faite sur un grand panneau géant et circulaire. C'est fait pour brouiller nos sens, c'est fait également donc pour retranscrire une époque, une pensée, et c'est quelque chose de tout à fait fabuleux, à mon avis immanquable, si l'on se rend à Paris avant le mois de janvier. Avant de vous laisser, chers auditeurs de Fadjet et de l'émission Éclat de Lumière, je tiens à remercier tout d'abord les chroniqueurs qui étaient présents ce soir. Merci beaucoup à vous trois, Aline, Mouloud et Gilles, et ainsi qu'à Jean-Pierre Puton, notre invité, d'avoir participé et de nous avoir exprimé son amour pour la photo. Je tiens à vous rappeler qu'il est possible de nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur les pages Facebook Lumière en Art, Lumière en Art officiel, sur l'Instagram de Lumière en Art, mais également, comme le disait Gilles au courant de cette émission, sur TikTok, que nous avons récemment investi avec donc une page qui s'appelle Lumière en Art et qui est en cours de développement. Merci encore à Fadjet de nous laisser tous les mois une heure pour nous exprimer, vous recommander toujours plus de culture à Nancy, en Grand Est, mais aussi à Paris. On se retrouvera comme tous les deuxièmes jeudis du mois en 2025 à 17h. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci de nous être fidèles. On va se laisser un petit instant en musique avec un morceau d'un artiste qui a sorti un album récemment très réussi, à savoir Tyler the Creator. C'est Igor Stem. À bientôt sur Fadjet Radio.